Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 16. Et ils partirent d'Élim, et toute la multitude des enfants d'Israël vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après qu'ils furent sortis de la terre d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Et les enfants d'Israël leur dirent: Plût à Dieu que nous fussions morts par la main du Seigneur dans la terre d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande et que nous mangeions du pain à satiété. Pourquoi nous avez-vous amenés dans ce désert pour faire mourir toute cette multitude de faim? Or le Seigneur dit à Moïse: Voici que moi je ferai pleuvoir pour vous du pain du ciel. Que le peuple sorte et qu'il en amasse ce qui lui suffira pour chaque jour, afin que j'éprouve s'ils marchent en ma loi ou non. Mais qu'au 6e jour, ils apprêtent ce qu'ils auront apporté, et que ce soit le double de ce qu'ils avaient coutume d'amasser chaque jour. Et Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: Ce soir vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a retiré de la terre d'Égypte. Et au matin vous verrez la gloire du Seigneur, car il a entendu votre murmure contre lui. Mais nous, qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Et Moïse ajouta: Le Seigneur vous donnera ce soir de la chair à manger, et au matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu vos murmures par lesquels vous avez murmuré contre lui. Mais nous, qui sommes-nous? Ce n'est donc pas contre nous qu'est votre murmure, mais contre le Seigneur. Moïse dit aussi à Aaron: Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Approchez-vous devant le Seigneur, car il a entendu votre murmure. Et lorsqu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils regardèrent vers le désert, et voilà que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Or le Seigneur parla à Moïse, disant: J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur: Ce soir vous mangerez de la chair, et au matin vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu. Le soir vint donc, et l'écaille montant couvrirent le camp. Le matin aussi la rosée se trouva répandue autour du camp. Le soir vint donc, et l'écaille montant couvrirent le camp. Le matin aussi la rosée se trouva répandue autour du camp, et lorsqu'elle eut couvert la surface de la terre, il apparut dans le désert quelque chose de menu et comme pilé au mortier, ressemblant à la gelée blanche sur la terre. Ce qu'ayant vu les enfants d'Israël, ils se dirent les uns aux autres: Manhu, ce qui signifie: Qu'est ceci? Ils ignoraient en effet ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. Voici les paroles que le Seigneur a ordonnées: Que chacun en amasse autant qu'il suffit pour manger, un gomor pour chaque tête, selon le nombre de vos âmes qui habitent dans votre tente. Voilà ce que vous recueillerez. Et les enfants d'Israël firent ainsi, et ils en amassèrent l'un plus, l'autre moins. Et ils la mesurèrent à la mesure du gomor. Or celui qui en avait plus amassé n'en eut pas davantage, et celui qui en avait moins amassé n'en trouva pas moins, car chacun en recueillit selon ce qu'il pouvait manger. Moïse leur dit aussi que nul n'en laisse pour le matin. Tous ne l'écoutèrent pas, mais quelques-uns d'entre eux en laissèrent jusqu'au matin. Or elle commença par fourmiller de vers, puis elle se corrompit. Et Moïse fut irrité contre eux. Chacun en amassait donc le matin autant qu'il pouvait suffire pour manger. Et lorsque le soleil était devenu chaud, elle se fondait. Mais au 6e jour, ils amassèrent le double de cette nourriture, c'est-à-dire 2 gomor pour chaque personne. Tous les chefs de la multitude vinrent et l'annoncèrent à Moïse, qui leur dit: Voici ce qu'a dit le Seigneur. C'est demain le repos du sabbat, consacré au Seigneur. Ce qui doit être fait, faites-le aujourd'hui, et ce qui doit être cuit, faites-le cuire. Mais tout ce qui sera de reste, serrez-le jusqu'au matin. Ils firent donc selon qu'avait ordonné Moïse, et la manne ne se corrompit pas, et on n'y trouva pas de vers. Et Moïse dit: Mangez-la aujourd'hui, parce que c'est le sabbat du Seigneur. Il ne s'en trouvera pas aujourd'hui dans la campagne. Pendant 6 jours, ramassez-en, car au 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur. C'est pourquoi on n'en trouvera pas. Or vint le septième jour, et quelques-uns du peuple étant sortis pour en amasser, ils n'en trouvèrent point. Alors le Seigneur dit à Moïse, jusqu'à quand ne voudrez point garder mes commandements et ma loi? Voyez que le Seigneur vous a donné le sabbat, et à cause de cela, au sixième jour, il vous a accordé le double de nourriture. Que chacun demeure chez soi, et que nul ne sorte de son lieu au septième jour. Ainsi le peuple sabbatisa au septième jour. Et la maison d'Israël appela cette nourriture du nom de manne. Elle était blanche comme une graine de coriandre, et son goût, celui de la fleur de farine mêlée avec du miel. Or Moïse dit, voici les paroles qu'a ordonnées le Seigneur. Emplissez-en un gomore, et qu'il soit gardé dans les générations qui doivent venir dans la suite, afin qu'elles connaissent le pain dont je vous ai nourri dans le désert, quand vous aurez été retirés de la terre d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase et mets-y de la manne, autant que peut en contenir un gomore, et place-le devant le Seigneur afin de le conserver en vos générations, comme a ordonné le Seigneur à Moïse. Et Aaron le plaça dans le tabernacle pour être réservé. Or les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils vinrent en une terre habitable. C'est de cet aliment qu'ils furent nourris, jusqu'à ce qu'ils touchèrent aux confins de la terre de Canaan. Or le gomore est la dixième partie de l'Epfi. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.